J'en ai envie. Ouais, c'est bon. Ok, t'es prêt? Ok. Alors on taille. Fin droite. Ouais, fin droite. Ah bah oui, la dernière fois, Noël, écoute, t'as commencé le sein gauche, c'est une catastrophe. Non, non, le sein droite. Ok, ok. Ouais, qui vote, ok, comme ça. Oh putain. Oh putain. T'es petit, hein. Ah ouais. Oh, ça va être formidable. Allez. We'll be right back. Thank you. Thank you.